Ce qui m'inspire pour continuer à défendre les droits de l'homme, comme je l'avais dit tantôt, c'est un engagement noble et salutaire. Quand vous défendez des hommes opprimés, quand vous défendez des hommes violentés, quand vous défendez des gens qui ont perdu l'espoir, et grâce à votre engagement, vous leur redonnez le sourire, vous leur redonnez l'espoir, tout en pensant que demain sera encore plus mieux. Je crois qu'il n'y a plus de mieux, il n'y a plus de meilleur à faire dans la vie. C'est un métier à risque, c'est un engagement à risque. Mais les résultats que vous produisez vous confortent, vous donnent le courage de continuer encore plus. Les droits de l'homme, surtout dans des pays cloisonnés, dans des pays où il y a la dictature, dans les pays où il y a la restriction des libertés, dans les pays où l'espace civique est limité, dans des pays où il y a la restriction de l'Internet, dans des pays où les gens sont violentés, dans les pays où les gens sont torturés. Quand vous parlez avec eux, quand vous les défendez, quand vous essayez de dénoncer, ça soulage. Et surtout quand vous essayez d'interpeller la communauté internationale et les jeunes internationales qui parlent en leur nom, qui parlent en leur faveur, qui parlent pour leur cause. Ça les rassure parce qu'ils ont l'impression que la cause qu'ils défendent, c'est une cause qui a une stature internationale, qu'ils sont écoutés ailleurs, qu'ils sont compris. Et quand vous avez l'opportunité de venir à des rencontres telles que la plateforme de Dublin organisée par Frontline Defenders, où vous rencontrez plus de 100 défenseurs des droits humains, où chacun raconte son histoire, où chacun parle de sa vie quotidienne, où chacun raconte ses vécus, ça vous donne le courage de continuer. Ça vous inspire, ça vous encourage à plus encore faire davantage pour aider l'humanité à avoir le sourire, pour aider vos compatriotes à avoir le sourire, pour soulager le mot de tous ceux qui souffrent en silence à cause de leur engagement.